pages arrachées à Lewis Carroll. Quatrième épisode, logique et nonsense. Syllogisme, énigme, charade et autres devinettes. Enregistré sans public à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Il nous paraît difficile d'associer l'austère révérend Charles Ludwig Dodgson et le fantaisiste Lewis Carroll. Le premier relie les évangiles en grec, écoute des sermons, les critique, blâme ses collègues et délivre ses cours d'une voix monotone. Le deuxième compose des vers insolites, improvise des contes, fait parler un lapin blanc et donne vie à un chapelier fou. À première vue, il est tout aussi difficile de concilier le mathématicien Dodgson avec Lewis Carroll, l'amateur de nonsense. Le mathématicien commente Euclide, met au point des règles de calcul et finit par écrire un livre de logique d'une lecture parfois aride. L'amateur de fantaisie se demande lui s'il est possible de remplacer un maillet de croquet par un flamant rose. Mais à la vérité, le mathématicien rigoureux et l'inventeur fantaisiste sont la même personne et réfléchissent de la même façon. Faisons une expérience. Soit le syllogisme suivant, donné en exemple dans « La logique sans peine ». Il existe des huîtres silencieuses. Aucun être silencieux n'est amusant. Quelques huîtres ne sont pas amusantes. Tout cela est d'une logique imparable. Mais si on accepte avec le plus grand sérieux l'existence de ces quelques huîtres non amusantes, il est possible d'imaginer un chapitre des aventures d'Alice au cours duquel une douzaine d'huîtres particulièrement rabat-joie se rassemblent pour gâcher une fête. Ainsi, la preuve est faite. En découvrant la logique de Lewis Carroll, nous visitons sa fabrique d'histoire. Couple de propositions concrètes, proposées en guise de prémisse, et dont il s'agit de trouver la conclusion. Je suis allé me promener. Je me sens mieux. Quelqu'un qui est allé se promener se sent mieux. Un parapluie est utile en voyage. Toute chose inutile en voyage doit être laissée à la maison. Il existe des choses qui ne sont pas des parapluies que l'on doit laisser à la maison en partant en voyage. Aucun Français n'aime le pudding. Tous les Anglais aiment le pudding. Les Anglais ne sont pas des Français. Ce qui est compréhensible ne m'intrigue jamais. La logique m'intrigue. La logique est incompréhensible. Problème logique. Pseudoménos. Si un homme dit « je dis un mensonge » et qu'il dit la vérité, en ce cas, il ment effectivement et par conséquent ne dit pas la vérité. Mais s'il ne dit pas la vérité, alors il ne ment pas et par conséquent dit la vérité. Crocodilus. Un crocodile avait dérobé un bébé sur les rives du Nil. La mère le supplia de lui rendre son enfant. « Eh bien, » dit le crocodile, « si tu dis véridiquement ce que je vais faire, je te le rendrai. Sinon, je le dévorerai. »« Tu vas le dévorer !» s'écrie la mère dans sa détresse. « En ce cas, » dit le rusé crocodile, « je ne peux pas te rendre ton bébé, car si je le fais... je serai cause que tu n'as pas dit la vérité. Et je t'ai averti que si tu ne parlais pas véridiquement, je le dévorerais. Au contraire, rétorqua la mère, plus rusée encore. Tu ne peux pas dévorer mon bébé, car si tu le fais, tu seras cause que j'ai dit la vérité. Or, tu m'as promis que si je parlais véridiquement, tu me le rendrais. Nous supposons, bien entendu, que c'était un crocodile qui n'avait qu'une parole, et que son sens de l'honneur l'emportait sur son goût pour les bébés. Achille. Achille et la tortue devaient faire la course sur un parcours circulaire. Et comme l'on savait qu'Achille pouvait courir 10 fois plus vite que la tortue, celle-ci se vit accorder une avance de 100 mètres. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée. La course devant se poursuivre jusqu'à ce qu'Achille ait soit rattrapé la tortue, soit abandonné la course. Or, il est évident que lorsqu'il aurait effectué les 100 premiers mètres, la tortue en aurait parcouru 10 de plus. Et que lorsqu'il aurait parcouru ces 10 mètres, elle en aurait parcouru un de plus. Et ainsi de suite, indéfiniment. Par conséquent, Pour rattraper la tortue, il lui faudrait parcourir un nombre infini de distances successives. Par conséquent, Achille ne peut jamais rattraper la tortue. Couple de propositions concrètes, proposées en guise de prémisse, et dont il s'agit de trouver la conclusion, suite. Tous les canaris bien nourris chantent à plein gosier. Aucun canari qui chante à plein gosier n'est mélancolique. Un canari bien nourri est gai. Aucun pont n'est fait en sucre candi. Quelques ponts sont pittoresques. Il existe des choses pittoresques qui ne sont pas faites en sucre candi. Aucun quadrupède ne sait siffler. Quelques chats sont des quadrupèdes. Quelques chats ne savent pas siffler. Il existe des huîtres silencieuses. Aucun être silencieux n'est amusant. Quelques huîtres ne sont pas amusantes. Tout philosophe est logique. Un homme illogique est toujours têtu. Quelques personnes têtues ne sont pas des philosophes. Ce que se dirent Achille et la tortue. Achille avait rattrapé la tortue. Ah ! Et s'était installé sur son dos, bien à l'aise. La tortue dit : Vous avez donc réussi à terminer cette course. Elle se compose pourtant bien d'une série infinie de distances. Il me semblait qu'un savant, je ne me rappelle plus son nom, avait prouvé que c'était impossible. C'est tout à fait possible. C'est même chose faite. Soluitur ambulando. Les distances, voyez-vous, diminuaient constamment. Si bien que... Mais si, au contraire, elles avaient augmenté constamment. Que se serait-il passé? En ce cas, je ne serais pas ici et quant à vous, vous auriez fait plusieurs fois le tour du monde. Vous me faites rougir. Rugir, veux-je dire. Car vous pesiez un rude poids, je vous l'assure. Cela dit, voulez-vous que je vous raconte une course que la plupart des gens s'imaginent pouvoir terminer en deux ou trois pas et qui, en réalité, se compose d'un nombre infini de distances dont chacune est supérieure à la précédente? Volontiers. Il prend un carnet. Vous pouvez commencer et parlez lentement, je vous en prie, on n'a pas encore inventé la sténographie. Je pense à cette grandiose première proposition d'Euclide. Aimez-vous Euclide? Ah, la folie! C'est-à-dire autant qu'on puisse aimer un homme dont le traité ne sera publié que d'ici plusieurs siècles. Bien. En ce cas, considérons une toute petite partie du raisonnement que contient cette première proposition. Deux étapes, sans plus, ainsi que la conclusion qu'il en tire. Ayez la bonté de les inscrire sur votre carnet. Et pour la commodité, appelons-les A, B et Z. A. Deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles. B. Les deux côtés de ce triangle sont égaux à un même troisième. Z. Les deux côtés de ce triangle sont égaux entre eux. Tout lecteur d'Euclide admettra, du moins je le présume, que Z découle logiquement de A à B. Et que, si l'on admet la vérité de A et de B, on est contraint d'admettre celle de Z. Sans aucun doute. Le moindre élève de lycée, dès que les lycées seront inventés, c'est-à-dire dans quelques 2000 ans, admettra cela. Et si un lecteur n'avait pas encore admis la vérité de A et de B, il pourrait cependant, du moins je le présume, admettre la validité de la suite des propositions. On pourrait probablement rencontrer un lecteur de ce genre. Il dirait sans doute, j'accepte pour vrai la proposition hypothétique suivante. Si A et B sont vrais, Z est nécessairement vrai. Mais je ne reconnais pas la vérité de A et B. Ce lecteur aurait fort intérêt à renoncer à Euclide et à s'orienter vers le football. Ne pourrait-on également rencontrer un lecteur pour affirmer « J'accepte pour vrai A et B, mais je n'admets pas l'hypothétique » ? Cela est évidemment possible. En ce cas, lui aussi ferait mieux de s'orienter vers le football. Mais aucun de ces deux lecteurs n'est jusqu'à présent contraint logiquement d'accepter Z pour vrai. Exactement. Bien. En ce cas, j'aimerais que vous me considériez comme appartenant à la deuxième catégorie et que vous m'obligiez logiquement à accepter la vérité de Z. Une tortue jouant au football... serait une anomalie, bien entendu. Ne vous écartez pas du sujet. Z d'abord, le football ensuite. Donc, si je comprends bien, je dois vous contraindre à accepter Z. Et votre position pour l'instant, c'est que vous admettez A et B, mais sans admettre l'hypothétique. Appelons-la C. Mais sans admettre la proposition C que voici, si A et B sont vrais, Z est nécessairement vrai. C'est effectivement là ma position actuelle. Il faut donc que je vous demande d'admettre C. Je le ferai, dès que vous l'aurez inscrite sur votre carnet. Que contient-il d'autre ? Rien que de petits comptes rendus. De petits comptes rendus, des combats dans lesquels je me suis particulièrement distingué. Quelle foule de pages vierges! Nous en aurons bien besoin. Écrivez donc ce que je vais vous dicter. A. Deux choses égales à une même troisième sont égales entre elles. B. les deux côtés de ce triangle sont égaux à un même troisième. C, si A et B sont vrais, Z est nécessairement vrai. Z, les deux côtés de ce triangle sont égaux entre eux. Vous devriez dire D et non Z. C'est une proposition qui vient immédiatement après les précédentes. Si l'on accepte A, B et C, on doit nécessairement accepter Z. Pourquoi nécessairement ? Parce qu'elle en découle logiquement. Si A, B et C sont vrais, Z est nécessairement vrai. Vous n'allez pas contester ce point. Si A, B et C sont vrais, Z est nécessairement vrai. Nous avons là, n'est-ce pas vrai, une nouvelle hypothétique. Et si je ne réussissais pas à en apercevoir la vérité, il me serait toujours loisible d'admettre A, B et C, et pourtant de ne pas admettre Z. Ce serait possible. Cela dit, un esprit aussi obtus serait proprement phénoménal. Enfin, c'est une attitude possible. Je dois donc vous demander d'admettre une nouvelle hypothétique. Très bien. Je suis toute prête à l'admettre dès que vous l'aurez inscrite sur votre carnet. Nous l'appellerons D. Si A, B et C sont vrais, Z est nécessairement vrai. Avez-vous enregistré cela sur votre carnet ? Voilà qui est fait. Nous voici donc parvenus au terme de cette course imaginaire. Puisqu'à présent vous admettez A, B, C et D, il va sans dire que vous acceptez Z. Ah, vraiment ? Entendons-nous bien ? J'admets A, B, C et D. Mais si je refusais toujours d'admettre Z ? En ce cas, la logique vous prendrait à la gorge et vous y contraindrait. La logique vous dirait, vous ne pouvez pas faire autrement. Puisque vous avez admis A, B, C et D, vous devez nécessairement admettre Z. Vous voyez bien que vous n'avez pas le choix. Toute parole tombée des lèvres de la logique mérite d'être notée. Soyez donc assez bon pour l'écrire sur votre carnet. Nous dirons E. Si A, B, C et D sont vrais, Z est nécessairement vrai. Tant que je n'ai pas admis cette proposition, il est bien entendu, n'est-ce pas, que je ne suis pas obligé d'admettre Z. Vous voyez donc bien qu'il s'agit là d'une étape nécessaire. Je vois. À ce point de la discussion, le narrateur, contraint de se rendre de toute urgence à sa banque, dut abandonner nos deux amis et ne put repasser par là que plusieurs mois plus tard. Il s'aperçut alors qu'Achille était toujours juché sur le dos de la patiente tortue et écrivait quelque chose sur son carnet, lequel paraissait presque rempli de notes. La tortue était en train de demander. « Avez-vous enregistré cette dernière étape ? Si je ne me trompe, nous en sommes au numéro 1001. Il nous en reste encore plusieurs milliers à voir. Je me permets de vous demander une faveur, à titre tout à fait personnel. Eu égard à l'enrichissement considérable que notre entretien représentera pour les logiciens du 19e siècle, verriez-vous un inconvénient à faire vôtre un calembour que, vers cette époque, pourrait faire ma cousine la fausse tortue et à vous laisser rebaptiser Habile ? Oh, comme vous voulez, répondit le lutteur lassé. Et dans sa voix retentissaient les sombres sonorités du désespoir, tandis qu'il ensevelissait son visage entre ses mains. À condition, cependant, que, en ce qui vous concerne, vous fassiez vôtre un calembour que la fausse tortue a effectivement fait, et que vous vous laissiez rebaptiser Torture. Couple de propositions concrètes proposées en guise de prémisse et dont il s'agit de trouver la conclusion. Fin. Aucun homard ne manque de bon sens. Aucun être doué de bon sens n'espère l'impossible. Aucun homard n'espère l'impossible. Toute explication claire est convaincante. Quelques excuses ne sont pas convaincantes. Quelques excuses ne sont pas des explications claires. Aucun bébé n'est studieux. Aucun bébé n'est bon violoniste. Sans conclusion. Sophisme type numéro 1. Toute plaisanterie vise à faire rire. Une loi n'est pas une plaisanterie. Quelques plaisanteries ne sont pas des lois. Aucune énigme ne m'intéresse s'il est possible de la résoudre. Toutes ces énigmes sont impossibles à résoudre. Sans conclusion, sophisme type numéro 1. Problème hémisphérique. La moitié du monde, à peu près, est toujours éclairée par le soleil. Et comme la Terre tourne, cet hémisphère de lumière se déplace en tournant aussi, et en traverse l'une après l'autre chaque partie. Supposons que mardi, c'est le matin à Londres. À une autre heure, cela peut être mardi matin, à l'ouest de l'Angleterre. Si le monde entier n'était que de terre, on pourrait suivre à la trace le mardi matin, en tournant toujours, jusqu'à se retrouver à Londres 24 heures plus tard. Mais on sait qu'à Londres, 24 heures après mardi matin, c'est mercredi matin. Où donc, dans son itinéraire autour de la Terre, le jour change-t-il de nom? Où perd-il son identité? En fait, il n'y a pas là de difficulté, car une grande partie du voyage se fait sur l'eau, et ce qui se passe en mer, qui peut le dire? D'ailleurs, il existe tant de langues différentes qu'on n'a aucune chance de retrouver le nom de tel ou tel jour tout le long de l'année. Mais ne peut-on pas imaginer qu'une même terre et une même langue continuent tout autour du monde? Je n'y vois rien d'impossible. Dans ce cas, quoi qu'il en soit, il n'y aurait aucune différence d'un jour à l'autre, ni d'une semaine, ni d'un mois à l'autre, de sorte qu'on devrait dire « la bataille de Waterloo a eu lieu aujourd'hui, voici environ 2 millions d'heures ». Ou bien il faudrait fixer une frontière idéale où s'opérerait le changement. Alors les habitants d'une maison s'éveilleraient en disant « Eh bien, c'est mardi matin ». Et ceux de la maison voisine, de l'autre côté de la frontière, un peu plus à l'ouest, s'éveilleraient quelques minutes plus tard en disant « Eh bien, c'est mercredi matin ». Dans quel irrémédiable désordre vivraient les gens qui se trouveraient habités sur la ligne même de démarcation, je ne saurais le dire. Il y aurait tous les matins des disputes sur le nom du jour. Je ne vois pas de troisième solution, à moins que tout le monde puisse choisir pour soi-même, situation plutôt pire que les deux précédentes. Je sais bien que l'idée a déjà été proposée par l'auteur inconnu de l'admirable poème qui commence ainsi. « Si le monde était une tarte tatin et toute la mer d'encre noire, et tous les arbres de fromage et de pain, que trouverions-nous à boire ?» La conséquence particulière dont il est débattu ici, cependant, ne semble pas lui être apparue puisqu'il se borne à la difficulté de trouver à boire, qui en résulterait certainement. Trio de propositions concrètes proposées en guise de syllogisme et qu'il s'agit d'examiner. Aucun docteur n'est enthousiaste. Vous êtes enthousiaste, vous n'êtes pas docteur. Conclusion correcte. Aucun avare n'est altruiste. Personne, excepté les avares, ne conserve les coquilles d'œufs. Aucune personne altruiste ne conserve les coquilles d'œufs. Conclusion correcte. Quelques gourmets manquent de générosité. Tous mes oncles sont généreux, mes oncles ne sont pas des gourmets. Conclusion fausse. La correcte serait « quelques gourmets ne sont pas mes oncles ». Je l'ai lu dans un journal. Tous les journaux racontent des mensonges. C'était un mensonge. Conclusion fausse. La correcte serait « le journal dans lequel je l'ai lu raconte des mensonges ». Tous les lions sont féroces. Quelques lions ne boivent pas de café. Quelques créatures qui ne boivent pas de café sont féroces. Conclusion fausse. La correcte serait « quelques créatures féroces ne boivent pas de café ». Aucun fossile ne peut être malheureux en amour. Une huître peut être malheureuse en amour. Les huîtres ne sont pas des fossiles. Conclusion correcte. Aucun professeur n'est ignorant. Les gens ignorants sont vains. Aucun professeur n'est vain. Conclusion fausse. La correcte serait « il est des gens vains qui ne sont pas des professeurs. Nourrir l'esprit. Petit déjeuner, déjeuner, thé. Quels soins nous prenons pour nourrir ce corps si choyé? Qui en fait autant de son esprit? Et pourquoi cette différence? Le corps est-il de si loin le plus important des deux? Étant donné la quantité d'expériences pénibles que beaucoup d'entre nous ont faites dans l'alimentation, il vaudrait la peine d'essayer de traduire certaines règles en leurs équivalents pour l'esprit. D'abord, vous devez faire en sorte de fournir à votre esprit sa nourriture spécifique. On apprend très vite ce qui convient ou non au corps, et l'on n'éprouve aucune difficulté à refuser un morceau de pudding qui s'associe dans la mémoire à une terrible indigestion et dont le nom seul rappelle irrésistiblement la rhubarbe. Mais il faut beaucoup de leçons pour nous convaincre que certaines de nos lectures favorites sont indigestes. Ensuite, il faut prendre soin de donner cette nourriture à dose raisonnable. La gloutonnerie intellectuelle est une tendance dangereuse qui cause une faiblesse de la fonction digestive et, dans certains cas, une perte d'appétit. Une fois fixée la nature, la quantité et la variété convenable de notre nourriture intellectuelle, il reste à prévoir l'intervalle d'un repas à l'autre et ne pas avaler trop vite sans mâcher. Ces deux règles concernant le corps sont aussi applicables à l'esprit. Et puis, comme pour la mastication de la nourriture, la démarche intellectuelle correspondante est simplement de réfléchir à ce qu'on lit. C'est un effort beaucoup plus important que la simple compréhension passive des propos de notre auteur. C'est un effort si grand que, comme dit Coleridge, l'esprit souvent refuse avec colère de se donner un tel tracas. Si grand que nous ne sommes que trop enclins à le négliger en continuant à verser la nourriture fraîche par-dessus les masses déjà entassées jusqu'à ce que le pauvre esprit soit presque noyé sous le flot. Pour vérifier la santé de l'appétit intellectuel chez un animal humain, mettez-lui dans les mains une étude courte, bien écrite, sur quelques sujets en vogue. Un petit pain intellectuel, en somme. S'il le lit avec un vif intérêt, l'esprit est en ordre de marche et de première qualité. S'il le parcourt mollement pendant quelques minutes avant de dire « Impossible de lire cette sottise, pourriez-vous me passer le second volume du Crime mystérieux ?» vous pouvez être sûr que quelque chose ne va pas dans la digestion intellectuelle. Trio de propositions concrètes proposées en guise de syllogisme et qu'il s'agit d'examiner, suite et fin. Tout homme prudent évite les hyènes. Aucun banquier n'est imprudent. Aucun banquier ne manque jamais d'éviter les hyènes. Conclusion correcte. Aucun singe n'est soldat. Tous les singes sont malicieux. Quelques créatures malicieuses ne sont pas des soldats. Conclusion correcte. Aucune brouette n'est confortable. Aucun véhicule inconfortable n'a de succès. Aucune brouette n'a de succès. Conclusion correcte. Aucune grenouille n'est poète. Quelques canards ne sont pas poètes. Quelques canards ne sont pas des grenouilles. Sans conclusion. Sophisme type numéro 1. Aucun empereur n'est dentiste. Tous les dentistes sont redoutés par les enfants. Aucun empereur n'est redouté par les enfants. Conclusion fausse. La correcte serait « Quelques personnes sont redoutées par les enfants sans être des empereurs. » Tous les aigles peuvent voler. Quelques cochons ne peuvent pas voler. Quelques cochons ne sont pas des aigles. Conclusion correcte. Quelques oreillers sont moelleux. Aucun tisonnier n'est moelleux. Quelques tisonniers ne sont pas des oreillers. Conclusion fausse. La correcte serait « Quelques oreillers ne sont pas des tisonniers. » Une histoire invraisemblable n'est pas facile à croire. Aucune de ces histoires n'est vraisemblable. Aucune de ces histoires n'est facile à croire. Conclusion correcte. C'était « Pages arrachées » à Lewis Carroll. Une coproduction France Culture et le Théâtre de la Ville, enregistrée à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Quatrième épisode, avec Philippe Lodenbach, Jean-Paul Farré, Olivier Clavry, Élise Caron, Juliette Roudet, Emeline Bayard, Yvan Cory, Pierre-François Garel et Pauline Moulaine. Choix des textes, Pierre Sange. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe technique, Benjamin Perru, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Les textes lus étaient extraits de l'œuvre complète de Lewis Carroll, parue en 2 tomes chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Traduction Simone Lamblin, Pierre Léris, Jean Gattegno et Ernest Coumet.